Chapitre 9e. Hervon marchait vite dans la direction du fort de la Latte, par où son frère avait fui tantôt. Le sentier était à peine tracé, et justement la nuit était sombre, aucune étoile ne se montrait au ciel. Cependant, il avait tant de fois parcouru ce chemin qu'il allait ainsi dans les ténèbres, aussi sûr de lui que si le soleil eût brillé de tout son éclat. « On ne pense jamais à tout, » se disait-il en lui-même, « j'aurais dû prendre une lanterne. » Les moindres coins me sont familiers, il est vrai. N'empêche que je puis passer près du frère sans qu'il me reconnaisse, et moi je n'y verrai que du noir. Alors il se mit à appeler à haute voix « Yann ! Yann !» Son appel se perdit dans l'immensité. Seul le cri plaintif et sinistre du chat-huant effrayé lui répondit. Hervon allait quand même, appelant toujours. Quelques chauves-souris dans leur vol nocturne l'effleurèrent au passage. Il ne les sentit pas. Parfois il s'arrêtait et écoutait. Le bruit des vagues déferlant sur le rivage ou se heurtant contre les récifs arrivait jusqu'à lui. C'était tout. Aucun son humain ne venait troubler cet imposant murmure de la nature. Il repartait alors, courant presque. Course fantastique dans ces profondes ténèbres où il espérait découvrir quelqu'un. « Yann ! Yann !» De voir son appel sans réponse, ses craintes revenaient plus fortes que jamais et il frissonnait, croyant à chaque pas découvrir un malheur. Lassé de cette course inutile et de ses vaines recherches, il avait rebroussé chemin. Lentement, la tête basse, il refaisait la route parcourue, quand il lui sembla entendre un long sanglot. Il écouta. Erreur de son ouïe affinée, qui grossissait le moindre bruissement de vent et prenait le cri du plongeon pour une voix humaine. Plus découragé encore, il se remit en marche, mais plus il s'approchait de sa chaumière, moins il sentait le courage d'y entrer. Que dirait-il à sa mère anxieuse quand elle l'interrogerait? Quelle consolation, quelle parole d'espoir osa-t-il lui donner avec cette quasi-certitude du suicide de son frère qui s'affirmait de plus en plus en lui? Pourtant, il pouvait se tromper, Yann était peut-être de retour. Cette pensée le fit se hâter, et le cœur battant à large coups dans sa rude poitrine, il franchit le seuil de la maison paternelle. Dans la grande cuisine, Pierre Guillot et Catherine attendaient seuls son retour. En le constatant, il chancela. Mon frère? Mon fils? Ces deux cris se confondirent. Catherine s'était dressée, pâlie par son angoisse maternelle. Mon fils, où est mon fils? Pourquoi ne le ramènes-tu pas? Hervon, dont le visage était décomposé, hocha tristement la tête. Je l'ai cherché, je ne sais où il est, j'espérais le trouver ici. Non, 11 heures sonnent à l'église, il n'est pas encore de retour. Jamais il n'est rentré si tard. Il sait trop combien je suis inquiète quand l'un de vous n'est pas là. Pour qu'à cette heure tardive, il soit encore dehors, il faut qu'il y soit arrivé malheur. La pauvre mère retomba lourdement sur son siège, et cachant son visage dans ses mains, elle se mit à pleurer avec de sourds gémissements. « Cesse tes lamentations, la femme !» dit alors Paul Guillot, qui jusque-là s'était tu. « Un malheur n'arrive pas comme ça. On va le retrouver, notre Yann, pour une fois qu'il est en retard. En voilà une belle affaire !» Et se tournant vers son fils, il questionna. « As-tu quelques indices du lieu où il puisse être ?» On l'a vu tantôt se diriger vers le fort de la Latte, et depuis, je n'interrogeais personne. « Parbleu, c'est par là qu'il fallait commencer. Où donc es-tu allé depuis 2 heures ?»« Plus loin que Roche-la-Soie, je l'ai appelé, car la nuit était sombre, mais l'orage gronde sur la mer, et ma voix était faible et ne portait pas loin. »« Qu'est-ce que tu veux que ton frère fasse dans la campagne à cette heure-ci? Il est dans le hameau, probablement. Pour tranquilliser ta mère, je vais aller voir. Viens avec moi. » Les deux hommes sortirent. Derrière eux, une petite ombre glissa et Anaïk pénétra dans leur chaumière. Le vent siffle dans les arbres, la tempête est proche et je ne pouvais pas dormir. J'ai pensé que ma présence vous ferait du bien, Mère Catou, et je suis venu prier avec vous. La femme du pêcheur ne s'étonna pas de la visite nocturne de la jeune fille. Souvent celle-ci venait la voir dans la journée. C'était donc naturel que, la sachant inquiète sur le sort de l'un de ses fils, elle vint la réconforter et lui tenir compagnie. Assieds-toi, ma fille, et récitons le rosaire. Entre leurs doigts fanés par les rudes travaux, les grains du chapelet glissèrent lentement. Pendant que dans la grande pièce sombre, éclairée seulement par les flammèges bleus de l'âtre, la voix argentine de l'une répondait aux prières murmurées par le chevrotement de l'autre. Dehors, la pluie s'était mise à tomber, le vent s'est élevé, et ses gémissements tristes et lugubres se mêlaient aux cris des oiseaux de mer, réveillés et effrayés par l'ouragan qui s'annonçait. Pierre Guillot et son fils se dirigeaient vers le hameau. « Es-tu allé là ? » dit soudain le vieux pêcheur en montrant une humble masure toute petite sous de grands arbres. C'était la demeure d'Anaïk. « Le frère n'y est pas, » répondit laconiquement Herboane. Ils continuèrent à marcher en silence. Dans Saint-Gérand, toutes les portes étaient fermées et aucune lumière ne filtrait à travers les volets mal clos de l'intérieur. « Tout le monde dort, » fit Pierre Guillot. « N'importe, renseignons-nous. » Il heurta la porte de la première maison qu'il rencontra. Après quelques paroles échangées entre les gens du dedans et ceux du dehors, lui s'ouvrit discrètement. Les visiteurs interrogèrent sur le sort de Yann, dont l'absence les inquiétait. L'habitant de la maison ne pouvait fournir aucun renseignement. Toute la journée, il avait été en mer. Les Guillot allèrent plus loin et frappèrent à d'autres portes. Partout, on leur fit la même réponse, ou à peu près. Un vieux pêcheur, pourtant, affirma avoir rencontré le jeune homme vers le soir, sur les hauteurs, à 4 bons kilomètres de Saint-Gérand. « Pas bien loin du tout, l'Aniferne. Il avait même l'air tout drôle et ne semblait pas pressé de rentrer. » Son renseignement était bien vague, mais il confirmait ce que Herboane avait appris par Anaïk. « Il se sera égaré dans l'obscurité en revenant, » fit pensivement le père qui commença à s'inquiéter. « Il faut y retourner voir avec des lanternes, » s'écria Herboane, plein d'ardeur. « C'est sage. Je vais réveiller mon gars, » ajouta le vieux pêcheur. « Il vous accompagnera. Il va être heureux de vous rendre ce petit service. Il a si souvent joué avec vos jumeaux. » Pierre Guillot accepta d'un signe de tête l'offre du vieillard, et s'appuyant le dos au chambranle de la porte, il attendit immobile, les yeux vagues, atterrés subitement par cette disparition mystérieuse de son fils. Dans les villages un peu éloignés des villes, une grande solidarité unit les habitants entre eux. Malgré leur avancée, la nouvelle de la disparition de Yann se répandit vite et causa une alarme générale à Saint-Gérand. Tous connaissaient et estimaient les Guillot. Leur inquiétude fut partagée par chacun, et une partie des pêcheurs de l'endroit, autant par zèle que pour ne pas agir autrement que les autres, vinrent se ranger autour du père et du fils, avec des torches ou avec des falots, pour aller aux recherches qui allaient commencer. Pierre Guillot remercia chacun d'une poignée de main. Puis tous se compèrent et se mirent en route, n'échangeant entre eux que peu de paroles. Les mugissements de la tempête couvraient d'ailleurs leur voix. Bientôt, sur la falaise, le groupe arriva, et les gens qui le composaient, après s'être consultés, se dispersèrent pour explorer attentivement les moindres recoins. Leur marche sous la pluie, dans tous les sens, avec leur lumière tremblotante, le fracas épouvantable, des éléments déchaînés et le bruit assourdissant de la mer dans les vagues énormes, venant se briser contre les rochers, rejaillissaient en montagnes d'écume sur le sable fin ou les galets des grèves, avec quelque chose de sinistre et d'effrayant. Pierre Guillot et ses compagnons ne se rebutaient pas cependant. Habitués par leur métier même à braver toutes les intempéries, ils continuaient d'avancer, espérant toujours découvrir celui qu'ils ne croyaient qu'égaré. Leurs recherches durèrent toute la nuit, et ce ne fut qu'au matin, alors que l'aurore timidement se levait, qu'ils en comprirent l'inutilité. Aucun coin de la lande n'avait échappé à leurs investigations, et nulle part, ils n'avaient trouvé le moindre indice qui pût les éclairer sur le sort du disparu. Ils revinrent découragés à Saint-Gérand. Herboane, durant cette nuit affreuse, avait montré une intrépidité étonnante. Toujours en avant de ses compagnons, il avait marché, les excitant de la voix, les encourageant par sa froide audace. Dieu sait, cependant, toute l'horreur des pensées qui heurtaient son cerveau, et qu'il avait eu le courage de garder pour lui seul, afin de ne pas refroidir le zèle des autres. Sans souci de l'obscurité et du danger qu'il pouvait courir à s'y aventurer par un tel temps, on l'avait vu longer la lisière de la falaise, comme si les bords escarpés et ses flancs à pic contenaient le secret de l'absence de son frère. Mais c'était surtout le fort de la Latte qu'il avait exploré attentivement, passant et repassant sur les deux ponts, l'avancée et le grand pont, jetés sur les deux profonds précipices qui séparent le fort de la terre ferme, il avait visité jusqu'aux deux étages du donjon abandonné. Rien, nulle part, rien, nulle trace de ce côté que Yann eût pu chercher un refuge contre l'ouragan. Après s'être agenouillé plein de foi et de ferveur devant la petite statue de Saint-Hubert qui se trouve à côté de l'une des tours, il était allé plus loin en continuant de longer la côte qui domine l'anse des Sévignés. Il était arrivé aussi au Toulaniferne, ainsi appelé à cause de plusieurs événements funestes qu'il rappelle. L'énorme fissure l'attirait en dépit de son nom infernal, en dépit aussi de sa terrible réputation. Il tournait autour du précipice, se hasardant jusqu'à sa crête la plus extrême, au risque qu'un coup de vent le fît culbuter dans l'abîme. Avec ce courage qui ne vient que du désespoir même, il aurait voulu plonger dans les ténèbres effrayantes du gouffre et s'assurer que son horrible hantise, qui lui montrait le corps de Yann écrasé dans le fond, n'était qu'une fiction.